Un peu après que le combat entre les Horaces et les Curias s'est engagé, la confidente de Sabine, Julie, qui se trouvait sur les remparts de Rome, vient annoncer au vieil Horace que deux de ses fils sont morts et que le troisième, le mari de Sabine, fuit devant les trois Curias. Sabine essaie de calmer la fureur de son beau-père contre le fuyard. Que vouliez-vous qu'il fît contre trois? Qu'il mourût, ou qu'un beau désespoir alors le secourût. N'eût-il que d'un moment reculé sa défaite, Rome eût été du moins, un peu plus tard, sujette. Il l'eût, avec honneur, laissé mes cheveux gris, et c'était de sa vie un assez digne prix. Il est de tout son sang comptable à sa patrie. Chaque goût épargné a sa gloire flétrie. Chaque instant de sa vie, après ce lâche tour, mais d'autant plus ma honte avec la sienne au jour. J'en romprai bien le cours, et ma juste colère contre un indigne fils usant des droits d'un père saura bien faire voir, dans sa punition, l'éclatant désaveu d'une telle action.